MALS 4 7 7 7. Artiris ghetto dans l'âme. Fais croquer mon pote. Ne vois-tu pas qu'on a la dalle? On a la dalle. On se pose, laissez-nous la place. Tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête tes disquettes, ceci, cela. Pourtant, on est tous partis d'en bas. Laissez-nous la place. Tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête tes disquettes, ceci, cela. Pourtant, on est tous partis d'en bas. C'est la relève, déterminé, faut que ma voix s'élève. R.A.P, je passe les rapports pour que le mien se relève. En fait, tu rap, plus tu racontes que de la merde. Bienvenue dans mon monde où les rappeurs se perdent. T'en fais pas pour moi, j'ai ce qu'il faut dans mon armoire. Mon baraque, t'en fais pas si les pédales sont armées. Fusil à lunettes, au pinel, story criminelle. MALS, MIL, va faire un tour dans nos ruelles. Je monte Théo, les petites pédales veulent m'arracher les ailes. À la rue, toujours fidèle, chez nous l'argent devient vital. L'eau désertique, je lâche du lourd, c'est ce que mes négros veulent. J'ai pas grandi avec une cuillère d'argent dans la gueule. Trois procères s'enflammer, j'ai du diesel dans le cerveau. MALS, mon baraque, toujours du bon son bien visé. Rappeur acteur dégage, fais place, j'suis bloqué dans le sas. Seul hardcore sera la voix, j'm'en bats les reins de ces chaînes casse. On se pose, laissez-nous la place. Tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête tes disquettes, ceci, cela. Pourtant, on est tous partis d'en bas. Laissez-nous la place. Tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête tes disquettes, ceci, cela. Pourtant, on est tous partis d'en bas. Au rap de France, qu'on arrive, on reste toujours net, y'a pas de poudre dans nos narines. Jamais pour un feat que nous on vend en balade. Mon reste que ton s'affiche pas dans vos calades. Et toi là, c'est tout ça là. Des lyrics se calage qui te donne la gouache. La connexion, c'est 9-4-7-7. C'est dans mon rêve qu'on en vit cette vie de jet set. C'est mon braco, on rap pour le mago. La marque potent, faut des coups pour faire un braco. Les mecs qui parlent de ceci, cela. Mais non, c'est que dans ta vie t'as jamais fait tout ça. Les mecs du quartier ont tous l'envie de percer. Faut nos ennemis qu'ils aillent tous se faire baiser. On voit que le rap avec le mic, personne ne bouge. Là on dégaine, vas-y déroule le tapis rouge. On se pose, laissez-nous la place. Tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête tes disquettes, ceci, cela. Pourtant, on est tous partis d'en bas. Laissez-nous la place. Tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête tes disquettes, ceci, cela. MILS ou Bach, laissez-nous 9-4-7-7, laissez-nous Torsi-Senvin, laissez-nous. Y'a quoi? Laissez-nous pour tous les gars dans la place, laissez-nous pour tous les mecs en chien, laissez-nous. Laissez-nous croquer, laissez-nous. Welcome dans WW, couche là sans les codes. Noirs sont mes écrits, cru est ma vie. Faibles sont les esprits qui soutiennent la cause à Sarkozy. Ils sont diaboliques, tarif 67 ou cric. MC, je te décortique en live sur l'instrumental. Je marche avec une fourchette dans le crâne. Une pasto, je veux 22 enfoncés dans les cordes vocales. LS, m'animal, PS, malade mental. Street cliniquement mort, comme vive mon temps. J'ai la mentale de la rue. Ma vie a chopé la maladie incurable de l'euro. J'ai dans un ghetto aphrodisiaque, parfumé au rhum. Dans ma classe, tu crées des insomniaques paranoïaques. Liquide tes packs, empoche tes plaques, crash sur la bac. Fais vénère. À côté des accusations, sur le mandat dépôt de Joe Black. L'artillerie, la scoop, on se pose, laissez-nous la place. Tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête tes disquettes, ceci, cela. Pourtant, on est tous partis d'en bas. Laissez-nous la place. Tu veux pas, qu'est-ce qui se passe? Arrête tes disquettes, ceci, cela. Pourtant, on est tous partis d'en bas.